Chapitre 5e. Un ami du bon ton. Dès qu'elle fut rentrée, Cécile pria Madame Harel de ne pas perdre un moment pour tâcher de trouver son mari et lui faire part de ce qui venait de se passer. Mais celle-ci, trop indolente pour entrer dans la situation de son amie, lui répondit froidement qu'elle ne savait où il était et n'imaginait pas en quel endroit on pourrait le rencontrer. Alors Cécile sonna pour qu'on lui fît parler au valet de chambre de Monsieur Harel. Il vint. Et après l'avoir questionné, elle sut que son maître était au café de Brault, rue Saint-James. Elle pria Madame Harel de vouloir lui écrire. « Que voulez-vous que je lui dise ?» reprit celle-ci. Sans lui répondre, Cécile, aussi prompte à exécuter qu'à former un projet, écrivit elle-même et le pria de chercher tout de suite son ami le chevalier Floyer et de tâcher d'amener une réconciliation entre lui et M. Belfield, avec lequel il s'était querellé à l'opéra. Le valet de chambre revint bientôt et lui rapporta la réponse verbale de M. Harel, qui l'assurait qu'il ne manquerait pas d'exécuter ses ordres. Elle prit le parti de ne se coucher qu'après qu'il serait rentré, très impatiente de savoir, avant de s'endormir, ce que sa négociation avait produit. Elle se regardait comme la vraie cause de la dispute, et cependant elle avait tort. La conduite du chevalier à son égard lui avait toujours souverainement déplu. Elle détestait ses manières et son impudence. Enfin, elle avait déjà accepté le bras de M. Belfield avant qu'il lui offert le sien. Le quitter pour le chevalier, ça aurait été marqué à lui une préférence dont elle était bien éloignée. Tout ce qu'elle croyait pouvoir se reprocher, c'était de n'avoir pas eu assez de présence d'esprit pour refuser les offres de tous deux. Madame Harel, quoique fâchée de la tournure que prenait cette affaire, la regardait cependant comme lui étant étrangère. Elle se lassa bientôt d'entendre tout ce que l'inquiétude faisait dire à Miss Beverley, et après l'avoir exhortée à se tranquilliser, lui souhaita le bonsoir et se retira. Cécile attendit le retour de M. Harel jusqu'à 4 heures du matin qu'il rentra. « Eh bien, monsieur, s'écria-t-elle aussitôt qu'il parut, je crains, en vous voyant revenir si tard, que vous n'ayez eu beaucoup de peine. Mais je me flatte que vos démarches n'ont pas été infructueuses. » Qu'on se représente quelle dut être sa mortification lorsqu'il lui répondit qu'il n'avait pas encore vu le chevalier, ayant été lui-même si fort occupé, qu'il lui avait été impossible de quitter avant 3 heures la compagnie avec laquelle il se trouvait engagé. Au même instant, il s'était rendu chez le baronnet, où on lui avait dit qu'il n'était pas encore entré. Cécile, quoique très piquée d'une preuve aussi complète d'insensibilité envers un homme qu'il appelait son ami, renouvela ses instances et ne le quitta qu'après lui avoir fait promettre de se lever dès que le jour paraîtrait. Elle cessa alors de s'étonner des dettes contractées par M. Harel et de ses besoins pressants d'argent en certaines occasions. Elle voyait bien qu'il passait la moitié des nuits à jouer, et les conséquences de sa conduite s'offrirent à son esprit de manière à la faire trembler. Celle du chevalier n'était pas meilleure, mais elle n'y prenait aucun intérêt. Son sommeil fut agité. Elle se leva à 6 heures du matin et s'habilla à la clarté des bougies. Une heure après, elle envoya savoir s'il était jour chez M. Harel, et apprenant qu'il dormait encore, elle le fit éveiller. Il ne se leva pourtant qu'à 8 heures, et toutes ses remontrances ne purent l'engager à sortir avant 9. À peine était-il parti, qu'elle vit paraître M. Monckton, qui eut alors pour la première fois la satisfaction de la trouver seule. « Vous êtes bien bon d'être venu si matin, » s'écria-t-elle. « Avez-vous vu M. Belfield ? Vous êtes dû entretenu avec lui. » Alarmée de l'impatience qu'elle faisait paraître, et encore plus affectée de voir à son air abattu qu'elle avait passé la nuit sans dormir, il fut quelque temps sans lui répondre, et lorsqu'elle lui répétait avec plus de vivacité la même question, il se contenta de lui dire « Depuis que Belfield a eu l'honneur de vous voir chez le chevalier Floyer, j'étais à son hôtel où il m'a paru qu'il n'était point rentré de toute la nuit. Je l'ai suivi, d'après ce que j'ai pu tirer de ses domestiques, de l'opéra à une maison de jeu, où j'ai appris qu'il avait joué jusqu'à ce matin. » L'inquiétude de Cécile ne faisait qu'augmenter, et M. Monckton, voyant qu'il ne lui restait qu'un moyen de la satisfaire, lui offrit de retourner à la recherche de l'un et de l'autre pour tâcher de lui procurer des nouvelles plus certaines. Elle accepta la proposition avec reconnaissance et il partit. Arriva ensuite M. Arnold, qui, quoique tourmenté intérieurement par la jalousie et par le déplaisir que lui causait la terreur qu'elle manifestait, désirait cependant sincèrement de la dissiper, de sorte que, sans prétendre même s'en faire un mérite auprès d'elle, il s'en fut presque au même instant pour s'occuper des recherches auxquelles M. Monckton avait promis de s'employer, bien décidé à ne faire connaître son intention qu'après avoir réussi à lui procurer des informations satisfaisantes. À peine était-il sorti qu'on vint lui annoncer M. Delville. Étonnée de sa complaisance, elle ordonna qu'on le fît tout de suite entrer. Mais quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu'au lieu de voir son orgueilleux tuteur, elle reconnut le généreux inconnu. Il la supplia de pardonner une hardiesse que ni d'anciennes liaisons, ni aucune affaire importante n'autorisait, quoique le lien qu'il attachait de très près à un homme assez privilégié pour avoir droit de s'intéresser à tout ce qui la concernait, puisse servir en quelque façon à l'excuser. Ensuite, passant au motif qui occasionnait sa visite, « Lorsque j'eus l'honneur de vous voir hier à l'opéra, la scène qui venait de se passer entre deux personnes de votre connaissance me parut vous causer beaucoup d'inquiétude. Et comme personne n'y a pris autant de part que moi, j'espère que vous pardonnerez mon empressement à vous informer que cette affaire vient de se terminer et qu'il n'y a pas d'apparence qu'elle ait des suites. « Monsieur, répondit Cécile, vous me faites beaucoup d'honneur et vous me tirez d'une situation très désagréable. J'imagine que cet accommodement s'est fait dans la matinée. Je m'aperçois, ajouta-t-il en souriant, que vous exigez beaucoup pour le moment. Il est vrai que l'espérance n'est jamais plus vive que lorsqu'elle renaît après que la crainte a cessé. De quoi s'agit-il donc? Sont-ils au moins sains et saufs? On ne le saurait être davantage. Cependant, j'aurais tort de vous dire qu'ils n'ont couru aucun danger. Pourvu qu'ils en soient actuellement délivrés, c'est tout ce que je demande. Vous m'obligerez, monsieur, si vous daignez m'informer de ce qui s'est passé. La vivacité de la querelle, continua-t-il, donnait lieu d'appréhender un éclat violent. Et ce n'est qu'après m'être assuré qu'elle était accidentelle que j'ai tenté d'employer ma médiation. J'espérais que de simples excuses de la part du chevalier Floyer, comme l'agresseur... « Ah, monsieur !» s'écria Cécile. « C'est là précisément ce que je crains qu'on ait pu obtenir. J'avoue, madame, que j'aurais tort de m'en glorifier. Cependant, sans m'arrêter aux difficultés que je devais rencontrer, je me suis hasardé à proposer des voies d'accommodement. Je n'ai quitté l'opéra qu'après avoir employé auprès du chevalier tous les raisonnements les plus propres à lui prouver que les excuses que j'exigeais de lui ne sauraient nuire à sa réputation ni laisser le moindre doute sur son courage. Lui, de son côté, a prétendu qu'il en avait trop pour consentir à une pareille humiliation. « Trop de courage ?» reprit Cécile. « Le beau prétexte. Quel parti a donc pris le pauvre M. Belfield ? Il ne lui a fallu que peu de moments pour se décider. J'ai découvert le lieu de sa demeure. Je m'y suis rendu sur le champ, dans l'intention de lui offrir mes services pour mettre l'affaire en arbitrage. Car, puisque vous le qualifiez de pauvre M. Belfield, j'imagine que vous voudriez me permettre, sans chercher pourtant à offenser son antagoniste, d'avouer que sa conduite, quoique un peu trop vive, m'avait absolument prévenu en sa faveur. « Je me flatte que vous ne croyez pas, répondit Cécile, qu'une offense faite à son antagoniste dut en être une pour moi. « Quelle qu'ait été mon idée, répliqua-t-il, en la fixant d'un air d'étonnement, je n'ai certainement jamais désiré qu'une sympathie mutuelle fût décidément établie entre vous. N'ayant pu parvenir hier au soir à voir M. Belfield, mon inquiétude m'empêchait de fermer l'œil de toute la nuit, et dès que le jour apparut, je suis retourné chez lui. « Que vous êtes bon, s'écria Cécile. « Vos soins n'ont point été infructueux. »« Eh bien, monsieur ?»« Je l'ai vu, tout était fini. »« Et il sera dans peu en état, si vous daignez lui accorder cette grâce, de venir vous remercier de l'intérêt que vous prenez à lui. »« Il est donc blessé ?»« Il l'est légèrement. »« Quant au chevalier, il se porte parfaitement bien. » »« Belfield a tiré le premier et a manqué son coup. »« Le baronnet a été plus heureux. »« J'en suis réellement fâché. »« Et où est sa blessure ?»« La balle a percé le côté droit. » Et au moment qu'il l'a senti, il a tiré son second pistolet en l'air. C'est du moins ce que m'a dit son domestique. On l'a rapporté avec beaucoup de précautions chez lui. On a été sur le champ chercher un chirurgien habile. Je n'ai voulu me retirer qu'après qu'il eut mis le premier appareil et qu'il a pu me dire ce qu'il pensait de cette blessure. Il m'a assuré qu'il avait extrait la balle et que M. Belfield était hors de tout danger. La perplexité où je vous ai vu hier, madame, m'a fait prendre la liberté de venir chez vous, persuadé que vous n'auriez pu encore vous procurer des nouvelles certaines, et j'ai cru qu'il convenait de prévenir, par un récit simple et véritable des faits, les bruits exagérés qu'on ne manquera pas de répandre à cette occasion. Cécile le remercia de son attention, et Madame Harel, étant entrée dans la salle, il se leva, disant « Si mon père avait prévu que j'eusse l'honneur de voir ce matin Miss Beverley, je suis sûr qu'il n'aurait pas manqué de me charger de compliments pour elle. Une pareille commission de sa part aurait peut-être contribué à faire excuser la hardiesse de ma visite. après quoi il prit congé. « Il faut avouer, dit Cécile, que le fils de M. Delville ne ressemble guère à son père. »« Très peu, ajouta Mme Harel, et moins encore à sa mère, car je vous assure qu'elle est, s'il est possible, plus hautaine et plus fière que son mari. » Je hais jusqu'à sa présence, car sa figure est si imposante qu'à peine ose-t-on souffler devant elle. Pour le fils, c'est un charmant jeune homme, qui plaît généralement. Je ne l'ai cependant jamais vu qu'en public, car nous ne sommes en liaison avec personne de cette maison. » M. Moncton ne tarda pas à revenir. Il fut assez surpris de voir que l'on savait déjà les nouvelles qu'il croyait être le premier à apporter. M. Harel ne rentra que tard et parut extrêmement gai. « Miss Beverley, s'écria-t-il, je vous apporte des nouvelles qui vous feront oublier vos frayeurs. Le chevalier Fleur est non seulement sain et sauf, il est encore sorti vainqueur du combat. »« Je suis très fâché, monsieur, » répondit Cécile, piquée d'un pareil compliment, « que quelqu'un soit vainqueur, ou que quelqu'un ait été vaincu. »« Il y a dans tout cela, repartit M. Harel, aucun sujet de fâcherie. Tout au contraire, car il n'a pas tué son homme. Ainsi la victoire ne l'obligera ni à fuir, ni à se soumettre à des formalités de justice. Il compte aujourd'hui même vous rendre ses devoirs et mettre ses lauriers à vos pieds. Il compte donc se donner une peine fort inutile, car je ne désire point de pareil hommage. « Ah, Miss Beverley, répliqua-t-il en riant, ce dédain affecté n'est plus de saison. Peut-être si serait ton mépris dans un temps, mais à présent je vous assure que personne n'en sera dupe. » Cécile, quoique très mécontente de cette réflexion, vit bien que plus elle chercherait à se défendre, plus elle s'attirerait de plaisanteries. Elle fait donc le parti de le laisser dire sans lui rien répondre. À dîner, lorsque le chevalier vint se mettre à table, le dégoût qui l'avait inspiré dès le commencement, augmenté encore par sa conduite de la veille, devint une aversion décidée, suite de l'horreur qu'elle avait conçue pour sa fierté et de l'indignation que son arrogance avait excitée en elle. Il paraissait que l'heureuse issue de son duel l'avait placé au fait de la gloire. Son air était triomphant. Il regardait d'un œil de supériorité ceux qu'il daignait favoriser de son attention et leur faisait sentir combien il croyait les honorer quand il leur accordait cette grâce. Il fixa cependant Cécile avec plus de politesse qu'à l'ordinaire. Il croyait alors l'avoir subjuguée et cette idée flattait extrêmement sa vanité. L'inquiétude qu'elle avait montrée était à ses yeux une preuve certaine de la passion qu'elle avait pour lui et il attribua son silence à l'admiration, sa froideur à la crainte et sa réserve à la modestie. Excédé d'une impudence aussi manifeste et irrité d'un triomphe que sa grossièreté et son impolitesse avaient si peu mérité, Cécile se fit violence pour ne pas quitter la table et réfléchit avec peine à l'obligation où elle se trouvait de passer une partie si considérable de sa vie avec des gens pour lesquels elle avait le plus grand éloignement. Après dîner, Mme Harel ayant parlé de lier une partie pour la soirée, et Cécile ayant refusé d'en être, le chevalier, avec une humilité affectée et d'un ton de suffisance qui paraissait redouter un refus, et témoignait en même temps combien il s'en souciait peu, dit « Quant à moi, je n'aurais pas non plus grande envie de sortir si Miss Beverley voulait permettre que j'eusse l'honneur de prendre le thé avec elle. » À ces mots, Cécile, le regardant avec la plus grande surprise, lui répondit qu'elle avait des lettres à écrire qui ne lui permettraient pas de quitter sa chambre le reste de la journée. Le baronnet, tirant sa montre, s'écria tout de suite « Parbleu, cela est bien heureux, car je viens de me rappeler que j'étais engagé à l'autre extrémité de la ville. Je l'avais parfaitement oublié. » Lorsque la compagnie fut partie, Cécile reçut un billet de Mme Delville qui la priait de venir déjeuner le lendemain avec elle. Elle accepta sur le champ cette invitation à laquelle elle n'était point préparée et dont, après ce qu'elle avait ouï dire du caractère de cette dame, elle ne croyait pas devoir se promettre beaucoup d'agréments.